Chapitre 9e. Oh, combien fut atroce cette nuit, où je m'interrogeais face à face avec moi-même. Et ce que j'écris ici n'est pas une vaine métaphore. Oui, cette nuit-là, j'eus la notion positive, indiscutable, du phénomène que j'ai tant étudié depuis, et dont tout à l'heure je vais poursuivre la réalisation jusqu'à la limite suprême, où la vie et la mort ne sont séparées l'une de l'autre que par un point mathématique. Donc j'étais rentré dans mon appartement énervé, fiévreux, sentant dans ma poitrine un foyer de colère qui ne se répandait pas au dehors, mais dont, au contraire, je sentais la flamme me brûler tout entier, la chaleur courir le long de toutes mes fibres, pénétrer dans les replis de mon organisme. J'étais en ce moment comme une chaudière qui porterait son foyer en elle-même et qui n'aurait point de soupape d'échappement. Tout mon être physique était en quelque sorte distendu par une pression trop forte. Ma force vitale s'accumulait en moi sous la production surchauffée de mes pensées. Je ne parlais pas, je ne criais pas. Toute ma vie était dans mon cerveau, dont mes lobes fonctionnaient avec une activité extraordinaire. Immobile, comme pharadisé, je ne réfléchissais pas. Car réflexion implique emploi mental des formes du langage des mots. Je subissais une suite d'impressions non formulées et qui étaient comme la représentation imaginée de mes sensations. Je voyais Sita, là, debout devant moi et sans penser même les mots « je vous aime », je l'enveloppais de mon amour. Sa colère, son mépris, car c'était là ce que j'obtenais d'elle, pesait sur moi, m'écrasait, me brisait. Un moment vint où, dans une hallucination folle, je crus sentir qu'elle me tuait, et le source de terreur, de douleur, fut-elle que je fis un effort violent pour lui échapper, ou plutôt pour la dominer, pour la vaincre. Dans cet élan de tout mon être pour aller à elle, j'éprouvais comme une déchirure à la région du cœur, et soudain, il me sembla que ma vie s'en allait par là, comme par une blessure. Subitement, mon cerveau était devenu froid, comme à demi vide, en même temps qu'une sensation de souffle, qui ne m'était pas inconnue, mais qui cette fois allait du dedans au dehors, de l'intérieur de ma poitrine à l'air ambiant, me causait une sorte de suffocation. Ainsi souffrirait la cloche de la machine pneumatique si elle était un corps organisé au coup de piston qui lui enlève l'air. D'ailleurs, loin de résister, je me prêtais, j'aidais de toute ma volonté à cet essor de ma force vitale. J'y trouvais la jouissance d'un engourdissement exquis, d'une ivresse singulière, comme celle qui précède la syncope définitive. Mais je n'allais pas jusque-là. Mes sens n'étaient pas abolis. Mon intelligence fonctionnait encore. Mes yeux voyaient, et voyaient ceci. À deux pas de moi, une forme blanchâtre, mais d'une teinte si faible que je l'apercevais à peine, se dressait, silhouette magique, sidérale, de mon être propre. Bien qu'elle n'eût ni trait ni physionomie, je la reconnaissais. C'était bien moi que j'avais devant moi. C'était l'essence même de ma vie matérialisée, et je me souvins tout à coup des médiums qui ainsi se dédoublaient. Jusque-là, j'avais ri comme tant d'autres des expériences de William Crookes, étudiant ses apparitions au moyen d'instruments de précision, notant minutieusement leur influence matérielle, les photographiant même, doutant de ses sens et les contrôlant par des vérificateurs automatiques. Mais chose qui me paraissait alors singulière, à mesure que je raisonnais, la forme s'effaçait, comme si la force vitale qui la constituait fût rentrée en moi. Si au contraire, je parvenais à ne plus penser, elle s'accentuait et ses contours s'affirmaient. Un moment, elle devint même si nette que je me sentis épouvanté comme devant une manifestation fantastique. Ma peur se traduisit en un effort violent du cerveau, je tombai en arrière, inanimé. Quand je revins à moi, 3 heures s'étaient passées. J'étais extraordinairement là, mais mes idées avaient repris leur netteté. Je raisonnais. Un point était pour moi hors de doute, j'avais senti, j'avais vu. Je n'étais pas fou, je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Et m'aidant des premières connaissances acquises déjà pendant cette année de travail, je posais ainsi les termes du problème. Me rappelant les accidents de ma jeunesse, les projections de volonté ou de fluide vital, dont plusieurs fois j'avais la preuve indiscutable, je concluais que grâce à mon organisation exceptionnelle, j'avais le pouvoir de lancer hors de moi tout ou partie de ce qui constitue mon individualité, mon énergie, ma vie. Ce quelque chose, pour être impalpable, dilué, n'en avait pas moins son entité propre. Et je me souvins alors de cette expression des occultistes de l'Inde, le corps astral, qui est au corps ce que la vapeur est à la machine qu'elle remplit, ce que l'électricité est à l'appareil qu'elle fait agir. Les enseignements reçus s'éclairaient tout à coup. Le ternaire humain m'apparaissait composé de corps physique, de corps astral ou force vitale qui le fait agir physiquement, et de volonté ou conscience qui exerce son action sur les deux éléments. Donc, maître par ma volonté de mon corps physique, je l'étais également de mon corps astral, que les hindous appellent Linga Sharira. Chose curieuse, c'était l'un des premiers mots sanscrits qui m'avait frappé et qui m'avait donné le désir de l'étude. N'y avait-il pas là comme une prédestination? Et je trouvais en cette conception l'explication du fluide des magnétiseurs, comme des prétendus miracles accomplis par les médiums. Je devinais que ma volonté pourrait diriger cette force issue de moi, lui imposer certains actes. Et je me sentais déjà possédé d'un immense orgueil, en songeant à cette puissance merveilleuse et secrète que j'entendais bien ne pas gaspiller inutilement à la façon des jongleurs, mais employer tout entière à la réalisation de mes désirs. Dès ce moment, un calme profond se répandit en moi. J'étais sûr de ma force. J'étais en possession complète de moi-même. J'aurais raison de toutes les résistances, quelles qu'elles fussent. Et Sita pourrait-elle se refuser à l'admiration quand elle constaterait que j'avais conquis par moi-même, par ma seule énergie, cette puissance qu'elle attribuait aux adeptes qui se cachent là-bas dans les solitudes de l'Himalaya? Ne serais-je pas enfin son maître, son époux, son roi? Ne l'entendrais-je pas un jour me dire, comme la Sita du Ramayana, dont elle avait emprunté le nom, « J'irai partout où tu iras. Séparé de toi, je ne voudrais pas habiter le ciel même, je te le jure, par ton amour, par ta vie. Le paradis sans toi me serait un séjour odieux. L'enfer, si nous le partagions ensemble, vaudrait pour moi le ciel. » Joies ineffables, espérance triomphante. Hélas, de tout cela, que restera-t-il tout à l'heure?